qui écoutez France Culture, n'hésitez pas, aidez-nous à inventer son avenir. C'est très simple, vous pourrez exprimer toutes vos idées sur le futur de votre radio. Un nouveau programme, de nouveaux services, surprenez-nous. Pour participer à cette consultation ouverte à tous, rendez-vous sur maradiodemain.fr. Quatrième et dernier temps de notre série sur les sociétés qui font face aux épidémies. Ce matin, le documentaire. Hier, nous vous avons expliqué comment l'archéologie, la paléobiologie travaillaient main dans la main avec l'histoire pour mieux comprendre les épidémies du passé et en particulier les épidémies de peste. Voilà donc pour le discours général et théorique sur ces grandes épidémies. Et nous allons ce matin nous attacher à un cas particulier de défense contre la peste. C'est donc le thème du documentaire de La Fabrique de l'Histoire signé Séverine Attard et Marie-Laure Ciboulet. Ce cas, c'est celui de la ville de Sisteron. Sisteron apprend en effet, comme toutes les autres villes de Provence, que la peste sévit à Marseille en 1720. Que doivent faire les élites de la ville? Faut-il clore cette ville pour se protéger? Faut-il filtrer les entrées? Mais comment faire pour pouvoir survivre dans un siège contre l'épidémie? Faut-il sortir pour pouvoir continuer à récolter et vivre à l'intérieur de cette ville? Ce sont les questions qui se sont posées par le documentaire de La Fabrique de l'Histoire, documentaire de Séverine Attard et Marie-Laure Ciboulet, jusqu'à 10h ce matin. Sisteron en temps de peste, chronique d'une ville close, avec les analyses d'Irène Magnodex et de Régis Bertrand. Alors, on descend quelle rue, là, Irène Magnodex? Alors ici, on est dans ce qui s'appelait la descente de l'église. Il y a beaucoup de vent, hein, aujourd'hui. Il y a le Mistral, hein. Mais oui. Après tout, on assiste rond, c'est normal. C'est normal, le Mistral souffle de temps en temps. Là, on descend la rue qui était habitée par les chanoines, tout le chapitre habitait ces maisons, et on va arriver à la place du marché. C'était au Moyen-Âge la place du Palais Comtal. C'est le cœur de la ville. Et ici, ce sont essentiellement des écuries et des petites remises ou des petits ateliers, en tout cas au XVIIIe siècle. Il y a peu d'habitations, si ce n'est complètement au fond de l'impasse. Et on va y trouver des minotiers, des savetiers, c'est ce type de personnes, de métiers qui habitent ici. Muse qui ne savait point feindre, enseignez-moi l'art de dépeindre la ruine de nos habitants. Fixez les époques funestes qui ont fait périr tant de têtes par les mains de plusieurs tyrans. Mon sang se glace dans les veines lorsque je réfléchis aux peines qui suivent la contagion. Ce mal vole de rue en rue, un venin mortel s'insinue par la communication. Sisteron en temps de peste, chronique d'une ville close. La dernière grande épidémie de peste en Europe éclate à Marseille en mai 1720. Dès le mois de juillet, la peste sort de la cité phocéenne. Elle est à Cassis, à Aix, puis à Apt. En octobre, la ligne de la Durance est franchie et de nouveaux foyers se déclarent à Saint-Rémy-en-Provence, Arles et très loin de là, à Mende, en Lozère. Plus que lors des épidémies précédentes, des cordons sanitaires sont mis en place. Toutes les villes de Provence se ferment peu à peu pour interdire l'entrée à tout voyageur non muni de billets de santé. Sisteron, situé dans le département des Alpes de Haute-Provence, se prépare à l'arrivée du fléau. Tout nous accable et nous tourmente. La justice se prend l'épouvante. On ne voit que morts et mourants dans les maisons et sur les places. Chacun fuit les funestes traces de la peste de ses parents. Sisteron, à cette époque-là, Irène Magnodex, c'est un petit bourg, 3000 habitants environ. C'est un bourg de 3000 habitants qui a connu des jours plus glorieux, dont la population est rurale essentiellement. Tout le monde a des terres. L'avocat a des terres, le cellier du coin a des terres, et même le travailleur a une parcelle ou deux. Et bien sûr, chaque famille a des parents à Marseille, en Basse-Provence. Les maisons sont abandonnées. Nos campagnes sont désolées par ce terrible fléau du ciel. Une auguste cour prend sa fuite. On s'empresse d'être à sa suite, craignant l'ire de l'Éternel. La rumeur disant que la peste est arrivée, elle ne va parvenir à Sisteron que début août. En tout cas, officiellement. Moi, je suis bien convaincue qu'on le sait bien avant, tout simplement par les liens familiaux et les liens commerciaux. Simplement, évidemment, on ne trouve pas cet état de fait dans les documents. Conseil de ville de Sisteron, le 4 août 1720. On ne trouve que l'annonce officielle de la peste le 4 août. A été représenté par le dicieur du Virail, qu'ils ont reçu un exemplaire de l'arrêt que la Cour du Parlement a rendu le dernier du mois passé, par lequel il est défendu à toutes villes et lieux de la province d'avoir communication avec les habitants de Marseille attendu le soupçon de peste. Et qu'en conséquence, beaucoup de villes ont pris des précautions pour se mettre à couvert de cette maladie. Et qu'il serait nécessaire, pour en prévenir les suites fâcheuses, que le Conseil établit un bureau de santé comme il se pratique en pareilles occasions. En 1720, les Marseillais, pour la plupart, n'ont jamais vu la peste. Le système sanitaire fonctionne d'une façon tout à fait remarquable, ce qui fait que la peste a pu, à un certain moment, arriver dans les infirmeries, les lieux du complexe sanitaire, sans pénétrer dans la ville. Et là, en revanche, il va y avoir une faille de l'organisation sanitaire de Marseille, pourtant réputée à l'époque, qui va introduire la dernière peste dans la ville. Mais Régis Bertrand, comment ça se déroule, hein? Donc c'est un bateau, le Grand Saint-Antoine, qui aborde vers le port de Marseille. Alors effectivement, le Grand Saint-Antoine était venu depuis le Levant, et en particulier, il a assez longuement séjourné à Saïd, aujourd'hui Saïda, qui était infecté par la peste. C'est là vraisemblablement qu'il a chargé les textiles, en particulier des soieries précieuses, qui devaient contenir des puces. Ensuite, au cours de la traversée, il y a un certain nombre de décès, et de décès suspects. Alors, ce que l'on sait maintenant, c'est qu'avant d'arriver à Marseille, le bateau va s'arrêter dans la rade du Brusque, à Sifour-les-Plages, entre Toulon et Marseille. D'une façon absolument illégale, il fait relâche dans la rade du Brusque. Et cela pour avoir très certainement un contact avec l'armateur. Étant donné que le capitaine Château, doit être extrêmement inquiet à la fois des certificats qu'il a et de tout ce qui s'est passé au cours de la traversée. Après quoi, le bateau arrive à Marseille et il arrive dans les îles du Frioul, dans le système sanitaire. Là, il y a une barque qui apporte à l'intendant sanitaire les documents. Et ce qui est assez frappant, c'est que sur le registre, Monsieur Tirant, l'intendant sanitaire de service, commence à écrire que le grand Saint-Antoine venant de Saïd, et puis il écrit avec patente et ibar. Et il n'y a aucune indication de patente sur le procès-verbal. Et il indique à la fin, ajouté postérieurement d'une façon très visible cette mention, ayant déclaré que les gens de son équipage, qui lui sont morts tant en route qu'à Livourne, sont morts de mauvais aliments. Donc, postérieurement, on a tenu à compléter, c'est très visible puisqu'il y avait très peu de place, on a tenu à compléter la déclaration en donnant en quelque sorte une explication pour les morts, et on ne sait pas le type de patente d'après le registre. Donc, très vraisemblablement, on a pris des risques. La foire de Beaucaire approchait. Elle était encore à cette époque une grande foire internationale, et il est évident que, avec une quarantaine longue, la cargaison et en particulier les soieries ne pourraient pas être vendues à Beaucaire. Donc c'était une perte très forte, évidemment, pour l'armateur et les autres négociants qui se partageaient à la fois la valeur et le risque de la cargaison. On établit dans cette ville des gens d'une basse famille pour voler la communauté et l'on donne tout au pillage, tandis que nous perdons courage, avec un bureau de santé. On dresse trois infirmeries où l'on va perdre 1000 vies sans savoir comment ni pourquoi les infirmiers et les infirmières portent dans leurs mains meurtrières la terreur, la mort et l'effroi. À partir du moment où on est obligé de reconnaître que c'est la peste, on va prendre effectivement diverses mesures. Alors, mesures hippocratiques, par exemple, si l'air est vicié, on fait brûler du soufre dans l'espoir de le purifier. Ce qui d'ailleurs fait éternuer et tousser. Alors, vu là que les microbes, comme nous le savons, peuvent se propager ainsi, ça n'est pas une très bonne ressource. On va aussi, dans un premier temps, enterrer le plus vite possible. Alors, on soulève les dalles des caveaux des églises et on enterre dans les caveaux. D'où un certain nombre de caveaux qui se révéleront ensuite pestiférés et qui devront être interdits. Et en fait, à partir d'un certain moment, la peste étant reconnue, bon nombre de gens quittent la ville, tout simplement parce que ils sont persuadés que le meilleur moyen d'y échapper, c'est de fuir, et aussi parce que l'économie, très vite, est totalement désorganisée. Que les journaliers, par exemple, qui prennent du travail au jour le jour, n'en trouvent plus. Bref, il y a une désorganisation quasi totale de la cité qui va s'instaurer pendant la peste. Appel lancé par les échevins de Marseille à des volontaires pour enlever et enterrer les morts. Avis au public. Rien n'étant plus nécessaire que de faire enlever et enterrer les cadavres, messieurs les échevins exhortent les personnes zélées qu'il y a dans la ville d'avoir la bonté de se présenter et de monter à cheval pour contribuer à l'enlèvement et à l'enterrement des cadavres. Par leur présence et par les ordres qu'ils donneront à ceux qui s'emploient à des pareilles fonctions, outre l'action méritoire qu'ils feront et la gloire qu'ils acquerront de servir leur patrie dans une occasion aussi essentielle, la communauté donnera des gratifications à ceux qui voudront en recevoir. Et on remboursera tout ce que ces personnes zélées donneront pour l'enlèvement et l'enterrement des cadavres, tant dans la ville qu'à la campagne. À Marseille, le 3 septembre 1720. Et dans les autres villes qui vont s'efforcer de se protéger de la peste, il va y avoir ce qu'on appelle en provençal la serrade, c'est-à-dire la fermeture de la ville. De toute façon, la plupart des villes et des bourgs s'enferment. Ils ont évidemment la chance à l'époque d'avoir encore des enceintes. Eh oui, ce qui fait que finalement la peste peut davantage frapper des villages ou des hameaux qui sont en bord de route et qui n'ont aucun mur pour se protéger, tandis qu'un certain nombre de bourgs qui n'hésitent pas à restaurer leurs enceintes, ce qui coûte fort cher certes, mais qui est finalement intéressant, vont être protégés de la peste si vraiment on observe une stricte garde de nuit et de jour, si on contrôle les portes, etc. Et on est dans une France dans laquelle il y a des péages, dans laquelle il y a des frontières intérieures, par exemple entre la Provence et le Dauphiné, entre la Provence et le Comtat. Il y a un certain nombre de lieux qui, théoriquement, arrêtent plus ou moins la circulation au niveau des grandes routes. Par ailleurs, l'armée vient créer un cordon autour de Marseille, afin d'isoler, ça c'est le grand espoir, arrêter la propagation de l'épidémie. On va même construire en Vaucluse un mur de la peste. Il y a aussi une autre mesure qui est du ressort de M. de Médavy, qui va être nommé gouverneur de Provence et de Dauphiné. Il s'agit d'établir des lignes sanitaires le long des rivières. Il y a une ligne sanitaire de la rivière du Verdon, qui permet de couper toutes les avenues, comme il est écrit, avec le Var. Tout le long de la Durance, vous voyez, partage vraiment la région en deux, et également le long du Jabron. Ce sont des milices qui sont levées. Ce sont donc des hommes de garde dans des guérites tous les 10 mètres à peu près, qui sont nuit et jour, et qui vont garder ces lignes et empêcher de passer quiconque voudra passer. Les ponts sont également barricadés. Donc ça permet de diviser le pays en zones et vraiment d'ajouter une protection supplémentaire. En Vaucluse, on n'a pas ce système de rivière, c'est le comtat venaissin, donc au 18e, et on va demander aux habitants de construire une ligne sanitaire en pierre sèche. Il y a 27 km qui seront construits et c'est à charge effectivement à chaque ville de construire une partie de son mur. Voilà. Bien entendu, ici on ne peut pas le faire. Ça tient à la géologie du lieu. Le calcaire qui se détache en plaquettes, on n'en trouve pas ici. Donc on a profité des rivières. Mais oui, en Vaucluse, on a effectivement créé des lignes sanitaires importantes. Ceux qui gouvernent la province, sans attendre l'ordre du prince, voulant se garantir du mal, quittent sans hésiter la ville, fuyant tous d'un pas très agile son poison, son venin fatal. Qu'est-ce qu'on entend, Irène Magnodex ? C'est la cloche de la tour de l'horloge qui est en face de nous, qui a remplacé le beffroi médiéval qui était installé sur le rempart autour de la place. Là, nous sommes sur la place du marché, la place centrale, la place administrative aussi, Irène Magnodex, parce qu'il faut expliquer un petit peu le fonctionnement de cette ville de Sisteron. Sur cette place se trouvait un îlot de maisons aujourd'hui détruites. Et dans cet îlot de maisons se trouvait la maison communale au premier étage et en dessous les boucheries qui dépendaient du conseil de ville et les prisons. Donc c'est ici que se prenaient les décisions. Il y a 3 consuls, un trésorier, un greffier. C'est le cœur du conseil. Mais ce qui fonctionne pour les conseils ordinaires ne fonctionne pas pour les événements importants. Et dans ce cas, on réunit le conseil des 50. Ce sont 50 notables qui sont élus par la population. Et bien sûr, pendant toute la durée de la peste, ils vont être sollicités. Pendant la peste, on va aussi créer un bureau de santé qui va travailler avec le conseil de ville. Justement, quel est ce pouvoir consulaire ? Ce sont des représentants de la ville, mais il y a aussi un viguier de la ville. Il y a deux pouvoirs qui sont en conflit. Deux pouvoirs sont en conflit comme un peu partout, c'est-à-dire le pouvoir communal, celui des habitants, qui est souvent en but au pouvoir central, au pouvoir comtal, puis au pouvoir royal. Le viguier représente le roi. Il achète cette charge de viguier et, à ce titre, va autoriser les réunions du conseil municipal. Il va les valider et celui qui était en place en 1720, il est en but à la communauté en permanence et il exige une forme de révérence en fait de la part de la population qui ne correspond absolument pas aux usages, qui est très excessive. Alors, ce viguier, c'est François de Burle, hein, on peut dire son nom. François de Burle. Il habite dans le quartier le plus huppé de la ville, bien sûr. Il a aussi une seigneurie plus au nord, dans un village qui s'appelle Curban. Et donc la guerre est vraiment déclarée. Quand la peste arrive, par exemple, il va refuser de valider les délibérations des conseils. Il va même refuser de valider les initiatives de protection de la peste. Si par malheur le Seigneur nous affligeait de la peste, tout serait perdu. Le désordre ferait un mal aussi grand que la peste. Les sages et judicieuses précautions prises par messieurs du bureau de santé deviendrait inutile. Puisque Dieu, par un effet de sa bonté, donne le temps à cette ville de se précautionner, la prévoyance étant la mère de sûreté, sur ce principe, il est de la prudence de messieurs du bureau de regarder la maladie contagieuse comme une chose qui doit arriver. Et donc, quelles sont les premières mesures, justement, que ce bureau de santé va prendre dès qu'il apprend que, officiellement, la peste est dans la région? Évidemment, les premières mesures vont être de filtrer les allées et venues. On dit chlore, c'est pas vraiment le cas, c'est plutôt filtré. Donc on va fermer les portes de la ville, ne conserver que les deux principales, plus ou moins ouvertes. On va installer des corps de garde aux deux accès principaux, donc Porte de Provence, Porte du Dauphiné. Il y aura aussi un corps de garde sur cette place, à côté de la maison commune. On va lever une garde bourgeoise, c'est-à-dire tous les hommes de la ville vont à tour de rôle monter la garde dans ces corps de garde. Inutile de dire que le viguier refuse de monter la garde. Alors qu'il le devrait, hein. Bien entendu. La seconde mesure va être de faire cesser les tanneries. On a une tannerie sur cette place, juste à côté de la boucherie, bien sûr, puisque ce sont les peaux de la boucherie qui sont tannées, tout simplement parce qu'on pense que la peste est dans l'air et que les miasmes sont très favorables à la peste. Donc on fait arrêter cette tannerie, ainsi que celles qui sont dans un quartier, au quartier de Bourréneau, un peu plus loin. Et on va commencer à prendre des mesures pour nourrir les gens quand la ville sera close. Donc, bien sûr, la communauté contrôle déjà le prix de la viande, le prix du pain, les fours, etc. C'est important. Voilà, les locations des fours, etc. Mais elle va maintenant devoir faire énormément de provisions en prévision de ce grand moment de clôture. Lettre de Gap du 5 août 1720 à la ville de Sisteron. Messieurs, nous venons d'apprendre que certains endroits de la Provence étaient infectés de maladies contagieuses et que vous aviez pris de justes mesures pour ne laisser entrer dans votre ville aucun étranger qui peut être soupçonné d'en être atteint. Comme nous avons également intérêt que ces sortes de maux ne s'étendent pas jusqu'à nous, nous vous prions de vouloir bien nous marquer ce qui se passe à ce sujet dans votre ville et aux environs, et quelles précautions vous avez prises, afin que sur vos avis, nous puissions prendre les nôtres. Nous sommes très parfaitement, messieurs, vos très humbles et très obéissants serviteurs. Irène Manuelès, on va cheminer un petit peu, je crois que vous vouliez nous emmener vers une porte. On va aller vers la porte nord de la ville, en traversant d'abord la petite place aux herbes, qui était donc la place suivante, près de la grande place de la cour. Et la place aux herbes, parce que c'est la place des herboristes. Et il y a une tradition d'herboristerie sur les montagnes environnantes. Les herboristes du XVIIIe siècle vont faire fortune, vont aller juste s'installer à Paris, s'établir à Grenoble, etc. Il y a des usages constants, en cas de peste ou pas, de purification. Par exemple, pour Noël, on fait brûler des gerbes de lavande et de plantes odoriférantes dans les rues, toujours avec cette idée de renouveau. Donc les usages sont très fréquents, très constants en réalité. Les remèdes de précaution sont, une fois la semaine, une prise de thériac le matin, un doigt de bon vin par-dessus, une prise aussi de confection de hyacinthe ou d'alkermès, mâcher une fois du jour comme noisette d'angélique, brûler le matin des herbes odoriférantes et genièvre, beaucoup de propreté, quitter le repas avec peu d'appétit, ne sortir de la cabane que soleil levé, prier Dieu en groupe dans la cabane et se regarder dans une maison cloîtrée sans crainte et avec gaieté d'esprit et de corps. Irène Magnodex, alors nous avons avancé évidemment dans ce centre-ville. En fait, nous nous sommes dirigés plutôt vers le nord de la ville, vers la porte du Dauphiné. On a parlé déjà un petit peu de ces portes. Alors toute la ville, évidemment, est entourée de murailles avec Donc des portes d'entrée, portes de Fontchaude, la Poterne, porte de Provence. On a aussi la porte sauve, dite porte des Capucins, la porte du Grand Jardin ou de la Nièvre ou de la Grande École. La porte du Dauphiné, porte Rouze et de la Sonnerie. Donc c'est la porte du Dauphiné parce que tout simplement c'est par là qu'on part en Dauphiné. Et cette porte est une des plus passantes. Il y a la porte principale qui va vers le Dauphiné. Et puis, sur la droite, une petite porte qui descend vers le pont sur la Durance. Et cette petite porte, qui s'appelle de l'Escourche, du raccourci, tout bêtement, permet de descendre sur le pont et de gagner toute la zone qui est sur la rive gauche de la Durance. Sur cette rive gauche se trouve un faubourg, donc le faubourg de la Baume. Il y a une cinquantaine d'habitants à peu près. Ce sont surtout des artisans, des gens de métier et des travailleurs journaliers. C'est l'un des rares qui dispose d'un pont donnant accès sur Sisteron. La Durance possède quelques ponts, mais surtout des bacs. Et ces ponts vont être barricadés. Ce qui fait que les gens de la Baume vont se retrouver tout seuls dans leur quartier et ça va être un peu difficile. Dans le même temps, ce n'est pas tout à fait le cas. Parce que comme tout le monde doit aller travailler ses champs, et surtout les vignes, puisque le versant qui se trouve à côté de la Baume, au-dessus, est cultivé entier vignoble. Et tous les cisteronnais doivent aller faire les vendanges. Donc on va parlementer, on va négocier des choses avec M. de Médavy, qui va permettre 2 jours par semaine d'ouverture du pont pour aller faire les travaux des champs. Alors, c'est un petit peu paradoxal, Irène Magnodex, parce qu'on a compris qu'il y a un cordon sanitaire autour de la ville, un renforcement des portes, des brèches, une surveillance par des gardes, les ponts sont gardés, les bacs sont surveillés, et en même temps, il faut que la population puisse aller cultiver les champs, aller faire les vendanges. Donc, elle a le droit un petit peu de sortir, mais pas trop. L'économie ne peut pas s'arrêter complètement. Elle peut d'autant moins s'arrêter complètement que ces précautions vont être prises pendant quasiment 3 ans. Donc il est hors de question de cesser de cultiver les terres alentour. Il faut penser aussi aux moulins qui sont hors les murs. Mais il faut moudre dès qu'on peut, le blé, etc. Donc vous voyez, sans cesse, les gens sortent, entrent, etc. Et bien entendu, les nouveaux venus, les passants doivent présenter un billet de santé. Ces billets de santé, ils sont imprimés à Fort-Colquier. Et ensuite, toutes les communes notées s'en sont procurées. Ça aussi, il a fallu aller les chercher, revenir, les distribuer. Et ces billets de santé sont rédigés par les consuls du lieu d'où provient la personne. Ils attestent que le lieu est en santé. Et donc, ils permettent d'entrer. Alors voilà, parce que vous dites on sort, on rentre, mais il faut présenter toujours un billet de santé. Et puis il y a quelques histoires que vous racontez aussi, Irène Magnodex, 3 hommes qui se présentent dans un piteux état, à qui on va demander des billets de santé. Qu'est-ce qu'on fait? Des gens qui viennent de l'extérieur, ils sont mis en quarantaine. Par exemple, on va voir arriver, avant la fin août, de Marseille, un homme avec 3 enfants. Et ils sont venus à pied. Évidemment, ils n'ont pas de billet de santé, puisque il n'était pas possible de leur en délivrer. Je suis certaine qu'ils sont partis clandestinement. Ils arrivent et ils tâchent d'entrer par le faubourg de la Baume. Et on ne va pas les laisser passer. On va les cantonner aux portes. Ils vont y rester plus d'une journée. Et on va finir par leur attribuer des pigeonniers qui sont déserts, il n'y a pas de pigeons, un peu plus loin dans la campagne. Et les 3 enfants vont y aller avec l'homme qui les a accompagnés. Et il va tomber malade très vite. Rapport des médecins chirurgiens de Sisteron, le 26 août 1720. Nous, Alexandre Sias et François Nasse, docteurs en médecine résidant en cette ville de Sisteron. Disons que par ordre de messieurs les intendants du bureau de santé établi en cette ville, nous nous sommes portés avec maître Louis Chay, notaire royal et procureur du siège de la dite ville, un des sieurs consuls, et de sieur François Richaud, chirurgien au quartier de Baume, terroir de cette ville à un quart de lieue de la dite ville, pour voir, visiter, et examiné le cadavre du nommé Henri Bourrely, mort ce jour dans la bastide du sieur Joseph Gastinel, bourgeois de cette ville, lequel Bourrely était un de ceux qui faisaient quarantaine dans le dit endroit. Après l'avoir examiné depuis la tête jusqu'aux pieds, nous n'avons trouvé dans toute l'habitude du corps aucune marque de contagion ni de pestilence, sans aucune enflure, ni méchante couleur ou tache en aucun endroit de la peau, que nous avons trouvée nette et blanche à son ordinaire. Ce qui nous persuade que la maladie n'a été causée et occasionnée que par une extrême fatigue qu'il avait essuyée en chemin pendant 7 ou 8 jours, jointe à une méchante nourriture, et ensuite par une extrême ardeur du soleil auquel ledit Bourrely a été exposé. C'est-à-dire qu'il a fait tout ce chemin pour venir prendre un coup de soleil trop fort, un coup de chaleur, devant le rocher. Et quand le chirurgien se rend le lendemain dans le pigeonnier pour le voir, les 3 enfants sont près de l'homme mort. Le médecin ne diagnostique pas la peste, mais on prend des précautions. Et donc, il faut que le chirurgien et le médecin fassent quarantaine. Ce qui risque de dépeupler la ville des médecins très vite. Donc ça devient très très compliqué, très rapidement. Et comme ledit Bourrely sortait de Marseille, pour une plus grande sûreté, nous l'avons fait ensevelir dans la campagne. Et pour être la vérité telle, nous avons fait et signé le présent pour servir à ce que de raison. À Sisteron, ledit jour 26e août 1720. Sias, docteur en médecine. Les 3 enfants, Irène Magnodex, sont aussi à l'extérieur de la ville. Nas, docteur en médecine. Donc on va les séparer, les 3 enfants. Richaud, chirurgien. Et on va les mettre chacun dans un cabanon, dans une autre partie du terroir. Et on va les laisser là, on va leur porter de la paille pour qu'ils puissent dormir dans ces bastidons. Et on va leur porter un peu de pain et d'eau et un peu de nourrir. Et c'est terrible parce que dans le mois, l'un d'eux tombe d'un arbre et meurt, et l'autre a une asthénie. Donc il meurt d'une asthénie qui est une forme d'angine. Donc c'est assez terrible. Un seul se sauve. Donc les quarantaines ne sont pas des moments de tout repos. Donc ces gens sont des travailleurs. Ils font des quarantaines de 40 jours. Mais quand un notable rentre en ville, ou quand un religieux rentre en ville, non, les quarantaines sont de 20 jours. Il y a une distinction sociale qui s'opère. Il semblerait. On va continuer. Alors, où c'est que vous nous emmenez maintenant, Irène Magnodet ? Bourrenaud, qui fait maintenant partie de la ville, qui est en contrebas entre cette rue Sonnerie et la Durance. C'est un quartier de travailleurs. Dans la longue Androne, qui est une des ruelles transversales qui descend jusqu'au faubourg de Bourrenaud. Donc ce sont des Androns, ce sont des ruelles en fait pourvues de marches, mais généralement de 70 cm de long, puisque c'est le pas de l'âne, et on remarque des ouvertures murées de part et d'autre qui sont des écuries en réalité. Quel type de population vit à cet endroit ? Ça fait partie de ces bourgs aussi où on relègue un petit peu les gens de conditions modestes. Absolument. Donc on va y trouver beaucoup de travailleurs journaliers, beaucoup d'artisans qui ne sont pas à leur compte, qui travaillent pour des plus riches. Et on va y trouver aussi des veuves, des femmes seules. On remarque aussi que les maisons sont beaucoup plus basses. Elles ont 2 niveaux maximum. Elles sont plus petites. Il y a plus de promiscuité aussi. La promiscuité est beaucoup plus grande, les rues sont étroites. On va s'y rendre alors, on n'est pas encore arrivé là, hein, je crois. Extrait du projet de précaution contre la maladie contagieuse pour être examiné et perfectionné par messieurs du bureau de santé. Dans le cas arrivant de la maladie, et d'abord que le mal sera reconnu, avant qu'il ne se répande et se communique, il faut faire sortir de la ville généralement tous les pauvres qui ont besoin des secours publics. Et pour ces effets, leurs logements doivent être préparés pour les recevoir. Il faut que la communauté fasse faire 20 baraques, dont 10 suffiront pour le commencement, dont chacune contiendra 20 personnes. Elles seront distantes l'une de l'autre de 10 cannes. Chaque baraque sera bâtie de murailles de pierre avec de la terre grasse ou de l'argile. Elles auront chacune 8 cannes de longueur et 2 de large et une canne de hauteur à la porte. Elles seront couvertes de planches. Nous avons dans les archives un document qui permet de mesurer la manière dont on va s'occuper des pauvres si la peste vient. C'est un mémoire qui a été rédigé par un notable de la ville. Il n'est ni daté ni signé. Et il se propose de cantonner les pauvres hors Bourg-Reynaud proprement dit, hors les murs de Bourg-Reynaud, mais près de la Durance, vraiment près du faubourg, dans un quartier qui se nomme les Mares, c'est-à-dire le marécage, et en fait d'établir des cabanes pour y mettre les pauvres par 20. On pense qu'ils vont, par leur mode de vie également, favoriser la contamination. On a ordonné de balayer les rues, on a ordonné de brûler les ordures qui s'y trouvent, on a ordonné d'interdire aux pourceaux de divaguer. On va aussi demander aux pauvres de faire la lessive régulièrement, ce qui est quelque chose de parfaitement incongru à l'époque, parce que jusqu'au début du XXe, on ne fait la lessive que 2 fois l'an. Et donc, demander de faire la lessive régulièrement, c'est une chose qui doit paraître une aberration. Donc les pauvres sont là, dans les brouillards de la Durance, et surveillés par des sentinelles armées. Donc c'est sans doute des personnes qui ont une fonction analogue à celle des miliciens des lignes sanitaires. La distribution du pain et des pots de soupe et vin pour chaque cabane se fera à 9h du matin, à moitié chemin. La visite de chaque cabane se fera par un commissaire, chaque jour, à 2h de l'après-midi, pour voir si les cabanes sont bien balayées, les lits faits, s'il n'y a point de malades, et si les ordres sont bien observés, tant de religion que de santé. On fournira chaque jour à chaque baraque un demi-pot de vinaigre pour se laver et se frotter le visage. On parfumera chaque jour au matin et au lever la baraque avec des herbes odoriférantes comme le thym, la sarriette, lavande et autres. Et on obligera les femmes de laver souvent leur linge et harde à la rivière. Les pauvres mendiants qui se refuseront d'aller aux dites cabanes alors que le mal sera reconnu seront privés de secours et même chassés de la ville. Ensuite, pour des gens un peu moins pauvres, qui ont leur famille ici, qui sont par exemple des employés des tanneries ou des employés des celliers, des bouchers, etc. On envisage de leur construire également des cabanes hors les murs, mais plus haut, dans un endroit plus sain, plus aéré, plus venté, à peu près sur l'emplacement de la mairie contemporaine. Et là, on va les réunir par famille. Ils vont pouvoir entrer de temps en temps en ville, encadrés, bien sûr, pour aller prendre leurs affaires, pour revenir. Leur encadrement est beaucoup moins sévère. Et puis, ma foi, ceux qui sont un peu plus aisés, les gens de métier, etc., restent en ville. Voilà, c'est le projet qui a été élaboré et qui n'a pas été suivi, mais il est toutefois conservé dans les archives, ce qui signifie qu'il avait quand même une importance. Et il nous éclaire bien sur la façon dont on considérait les diverses couches sociales. En réalité, ce qui va se produire, c'est que M. de Médavis, donc toujours l'envoyé du roi, va demander de meubler la charité, c'est-à-dire cet hôpital qui a été créé nouvellement, qui n'est pas meublé, qui n'est pas habité, de manière à commencer à enfermer les pauvres. Vous savez, c'est le moment du grand renfermement des pauvres, où ce qu'on appelle les inutiles et les vagabonds, on les cantonne dans ces maisons dites de charité et on les fait travailler. Voilà. On envisage aussi de créer de grandes fosses pour enterrer les morts. Et pour cela, on prépare de la chaux-vive localement dans les montagnes des environs, de manière à pouvoir les ensevelir sans danger. Donc des tranchées sont faites dans le jardin du couvent et on prépare ça. On peut expliquer aussi, Irène Magnodex, que quand justement il y avait des choses qui venaient de l'extérieur, on les trempait dans du vinaigre. Donc il y avait quand même cette idée qu'il fallait une désinfection. Oui, désinfecter, purifier. Et c'est vrai que le vinaigre est bien connu pour désinfecter de nos jours aussi. Et donc, à chaque porte de la ville, on va disposer des petites cuves pleines de vinaigre. Le menuisier va fabriquer des pinces en bois pour prendre les objets. On va demander que des petits paniers soient tressés pour les objets plus grands qu'on ne peut pas prendre aux pinces. Et donc tout ça est installé près de la porte et tout passe dans le vinaigre. C'est-à-dire papier compris. Ce qui fait que les archives sont parfois délicates à lire. Ça arrive. Alors, en ce moment de menace, hein, parce que la peste n'est toujours pas Sisteron, il faut le préciser, Irène Magnodex, on va faire dévotion. C'est la dévotion à Saint-Sébastien, qui est un saint protecteur de la peste, qu'on révère à Sisteron, dans la cathédrale, et semble-t-il à Notre-Dame de Vie, qui est une église qui a disparu. Nous, François Duvirail, avocat en la cour, Louis Chay, notaire et procureur au siège, Jean-Louis Bernard, consul moderne de cette ville de Sisteron, en vertu de la délibération du Conseil général du jour d'hier, renouvelons le vœu fait par nos prédécesseurs, déclarons de nous mettre, et la dite ville et tous les habitants, sous la protection de la très sainte Vierge Marie et du glorieux martyr Saint Sébastien. Et à cet effet, promettons à Dieu et faisons vœu au nom de toute la ville, manants et habitants d'Issel et son terroir, d'assister et accompagner tous les ans et à perpétuité la procession générale qui se fera ce jour et fête de Saint-Sébastien, avec les marques consulaires, comme ainsi toujours, à l'honneur du même saint et en vertu de la même délibération, d'habiller annuellement et perpétuellement à pareil jour si pauvres. Irène Magnodex, alors on a pénétré dans l'église Notre-Dame, qui est au centre de Sisteron, enfin à l'entrée presque de Sisteron, et nous sommes venus ici parce que il y a ce fameux tableau qui représente donc Saint-Sébastien, qui est le protecteur en fait de la peste. Qui protège contre la peste dès le Moyen-Âge. Il est souvent remplacé par Saint-Roch à la période moderne, mais ce n'est pas le cas à Sisteron. Saint-Sébastien est vénéré depuis le 14e au moins. Cette chapelle a été construite à cette période. Le tableau est plus tardif. Ce sont des notables qui l'ont fait peindre en remerciement parce que la peste les a épargnés en 1640. Et au XVIIIe siècle, on le vénère encore. Et on fait une procession qui part de la cathédrale. Il part à l'autre bout de la ville, dans une église qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle Notre-Dame de Vie. Et ce tableau, donc c'est Saint-Sébastien, il a des flèches, il a une histoire assez douloureuse, Saint-Sébastien. Saint-Sébastien était un jeune homme têtu, je crois. C'est-à-dire qu'il a prêché sa foi, a été martyrisé souvent. Blessé, il a été soigné, puis il est retourné prêcher, jusqu'à ce que, finalement, il soit pris et transpercé de flèches et son corps jeté dans les égouts de Rome. Donc ces flèches, la religion catholique les a assimilées aux blessures causées par la peste. Et c'est la raison pour laquelle il est vénéré. Donc la ville fait un vœu, demandant sa protection. Et pour ce faire, va faire une procession générale et on va d'autre part habiller 6 pauvres aux armes de la ville, des pauvres méritants bien sûr, et ils vont suivre le cortège derrière les notables et les religieux. On demande la protection une fois qu'on est parvenu à mettre en place toutes les mesures de clôture des portes, etc. Et à ce moment-là, on se tourne vers le ciel, une fois que le matériel est assuré. Au 18e, je pense qu'au 17e, ce n'était pas le cas. Supplions très humblement notre Seigneur, par la vertu de la très sainte Vierge et l'intercession du glorieux martyr Saint Sébastien, de la protection duquel cette ville a ressenti des effets sensibles toutes les fois qu'elle a été attaquée de la contagion, de la délivrer de celle dont elle est menacée. Le 20 janvier 1721. Il y a le recours à Dieu. Alors d'abord, il y a au moins dans la prédication l'idée que la peste est apportée par l'immoralité de la population. Et en fait, c'est souvent le conseil de ville qui décide ce type de dévotion, qui est donc une dévotion collective. Alors par exemple, le conseil de ville fait vœu d'élever une chapelle à la Vierge ou à un saint, assez souvent antipesteux, ce qui fait qu'il y a en Provence toutes sortes de petites chapelles, dont certaines sont antérieures à la peste de 1720, des pestes précédentes, et d'autres ont été créées lors de la peste de 1720. Une petite ville comme Pernes-les-Fontaines, par exemple, possède presque complète sa collection de chapelles de peste. Je crois qu'il y en a une qui a été transformée en maison ou démolie. Mais sinon, en face de chaque porte de la ville, vous aviez une chapelle correspondant à un vœu de la peste, soit fait par des notables, soit en général fait par le conseil de ville. Voilà, alors ces chapelles sont assez caractéristiques parce qu'elles ont une porte et deux fenêtres rectangulaires de part et d'autre de la porte. Et il y a aussi ces processions qui souvent, enfin, en tous les cas, assisteront, ça va se dérouler ainsi, ces processions qui mêlent toute la population de la ville, quel que soit son niveau dans la société. Tout le monde est atteint par la peste, tout le monde doit remercier, quoi, finalement. Disons que d'abord, on est dans ce que Jean de Lumoy appelait une civilisation processionnelle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de processions dans les villes d'Ancien Régime. Et d'autre part, dans ce cas-là, effectivement, la ville doit montrer son consensus, son unanimité face à la peste. Cela dit, la procession est quand même hiérarchisée. Irène Magnodex, là, nous sommes au pied de la cathédrale, en fait. Hein, donc, dévotion a été faite au Saint Protecteur, Saint Sébastien. Puis, les mois s'écoulent. On peut même parler les années s'écoulent. La ville est toujours close. Et quelque part, il y a aussi du relâchement dans, justement, toutes ces mesures qui sont prises pour endiguer, pour empêcher que la maladie, la contagion arrive. Bien sûr, d'autant plus que il n'y a pas eu de nouveaux villages affectés par la peste. Donc on a tendance un petit peu, effectivement, à oublier le danger. C'est vrai que, bon, on va et vient, on n'a pas toujours les billets de santé, puis c'est bien beau, mais on les a épuisés. Donc il faut en rédiger d'autres, et c'est difficile. D'autre part, il faut imaginer qu'on doit aussi refaire toutes les provisions qu'on a faites au départ, puisqu'elles sont épuisées. Et puis, on a du mal à tenir les gens. La vigilance n'est plus ce qu'elle était. Mais malgré tout, l'année 1721 passe. L'année 1722 aussi. On ne trouve plus dans les archives mention de venues d'étrangers, d'autopsies, des malades. Simplement, on continue de surveiller la santé en ville. C'est-à-dire que on a divisé la ville en quartiers et chaque quartier est surveillé par des personnes qui vont chez chacun voir l'état de santé. Quand quelqu'un est malade, on appelle le médecin, on appelle le chirurgien, on fait un diagnostic, etc. Même le bureau de santé qui prend des délibérations tous les jours ou qui fait des rapports très réguliers au départ commence lui aussi à se relâcher. Il n'y a pas aussi un petit peu de... pas d'agitation, Irène Magnodex, mais bon... certains salariés voudraient te payer un petit peu plus parce que c'est quand même, ça fait quelques années qu'ils vivent mal, qu'ils ne travaillent pas vraiment, qu'ils ne gagnent pas d'argent. Il y a des revendications un petit peu qui émergent. Oui, ils se font un peu plus pressants parce qu'effectivement, depuis 3 ans, ils travaillent, mais très peu. Ils ne peuvent pas franchement aller faire les récoltes en Basse-Provence. Donc, la moitié de leur année est passée à mendier. Et effectivement, ceux qui travaillent aimeraient bien être un peu mieux rémunérés. Mais malheureusement, il est difficile de pouvoir augmenter ces personnes, sachant que la ville doit emprunter, ne serait-ce que pour la survie au quotidien. Il faut imaginer qu'on leur a dit que la peste était venue, ils ne l'ont jamais vue. Ils sont enfermés dans la ville, mais ils ne savent pas, ils n'ont pas vu. Et fin 1722, on apprend que les lignes sanitaires vont être levées. Elles vont être levées vraiment, c'est en décembre. Les gens recommencent à descendre en Basse-Provence. C'est très important pour eux, parce qu'il faut imaginer, les vignes n'ont pas été taillées depuis 2 ans. Donc, pendant les derniers mois de 1722, on s'y prépare, on attend, on est impatient, on attend. Il y a vraiment un espoir important et une grande impatience. Et en décembre, on lève les lignes, c'est fini. On enlève les barricades sur le pont. Les gens peuvent recommencer à vivre normalement. Ça veut dire que Marseille est libérée aussi, Irène Magnodex. Enfin, libérée, ce n'est plus une ville close. Voilà, ce n'est plus une ville close. Nulle part, on peut circuler. La peste a fini son œuvre partout. C'est terminé. On reprend une vie normale. Donc, il faut imaginer les soldats qui reviennent des lignes sanitaires, les hommes qui vont, eux, partir. On va changer complètement d'atmosphère de la ville. Donc, il est quand même nécessaire de se réjouir et de faire un feu de joie. Et au mois de mars, on va demander aux menuisiers d'agencer le bois pour un feu de joie. Et on va réunir tout le monde, toute la ville, les notables, les bourgeois et tout le peuple. Donc, ils sont tous sur la place. C'est la nuit, c'est le soir. On va allumer le feu de joie. Puis les bourgeois vont allumer leurs flambeaux au feu de joie et tous vont entonner un grand Te Deum pour remercier le ciel. La sauvegarde de la ville a été assurée pleinement. Avec Irène Magnodex, historienne locale spécialiste du XVIIIe siècle, et Régis Bertrand, professeur émérite d'Aix-Marseille Université. Merci à Armelle Brochet et Carmen Hubero pour leur accueil aux archives municipales de Sisteron. Lecture, Hélène Losseur. Prise de son, Arthur Gerbeau. Mixage, Bruno Mourlan. Sisteron en temps de peste, chronique d'une ville close, Séverine Yattard, Marie-Laure Ciboulet. Et la vie reprend donc après cette peur de la mort à Sisteron entre 1720 et 1723. Voilà pour ce documentaire qui conclut notre série sur les épidémies. Merci de vos réactions nombreuses à cette proposition d'une série sur les épidémies. Des émissions à réécouter sur le site de franceculture.fr et puis également à discuter sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore sur le réseau Twitter, adresse Twitter de la Fabrique, Fabrique FC, Fabrique FC.